existait au moins avant la guerre du Golfe de 1991, puisqu'il est avéré que Saddam Hussein les a utilisés contre les troupes iraniennes et même contre son propre peuple au Kurdistan, en particulier à Al-Abja, où 5000 personnes ont été gazées. Le dictateur irakien, c'est certain, possédait alors un arsenal considérable qui devait beaucoup à certaines firmes occidentales. Nous avons vu cela la semaine passée avec M. X. Certes, les inspecteurs de l'ONU qui ont sillonné l'Irak jusqu'en 1998 ont trouvé un certain nombre de ces armes et les ont détruites. Mais pour Washington, le compte n'y était pas. Saddam Hussein devait forcément avoir caché des quantités importantes d'ADM. Peut-être même en avait-il envoyé clandestinement en Syrie, par exemple. Quoi qu'il en soit, ces armes n'ont jamais été détectées. Et aujourd'hui, George W. Bush, mais aussi son principal allié, Tony Blair, sont fortement soupçonnés d'avoir tout inventé. Un mensonge d'État sans précédent. Monsieur X revient sur cette histoire et les mystères qu'elle dissimule. Vous avez sans doute été frappé, comme je l'ai moi-même été, par le récent mea culpa de l'ancien secrétaire d'État de George Bush, Colin Powell. Oui, Colin Powell, enfin, il faut le rappeler, qui a toujours été hostile au faucon de la Maison-Blanche. Et qui est entré dans la guerre à reculons, oui. Personne n'a oublié son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU en février 2003. Un véritable show où, à l'aide de cartes, de photos aériennes et même la présentation d'un flacon supposé contenir un agent biologique extrêmement dangereux, il a tenté de convaincre l'opinion internationale que Saddam Hussein détenait des armes terrifiantes. Donc il fallait intervenir en Irak le plus tôt possible. Ce qui a été exécuté quelques semaines plus tard, comme vous le savez. Toutefois, les jeux étaient déjà faits depuis longtemps. On en reparlera, mais revenons à Colin Powell et à son repentir. Il y a très peu de semaines, il a reconnu sur la chaîne ABC que le dossier qu'il avait instruit contre Saddam Hussein devant le Conseil de sécurité reposait sur de fausses informations. Ouais. C'est excessivement grave. En effet, en réalité, même s'il n'en a pas fait l'aveu explicite, Powell a lu un texte qu'on lui avait demandé de lire. Oui, et qu'il n'avait pas écrit. Ça, je le pense. C'est l'entourage très proche de Bush qui a commis cette prose mensongère. Et d'après ce que je sais, Powell n'a pas été dupe. Quand il a pris connaissance du premier jet, il a piqué une violente colère et a jeté les feuillets en disant « Pardonnez-moi, c'est de la merde ». La merde, ouais. Enfin, il n'empêche qu'il l'a quand même lu devant le Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi Powell, au cours de cette interview, mea culpa, a ajouté « Cette histoire restera comme une tache sur mon bilan ». C'est quand même assez rare, hein, ce genre de sincérité rétroactive. Enfin. Oui, je suis d'accord. Mais la question qui demeure est la suivante. Au moment où Colin Powell a prononcé son discours, là, savait-il qu'il mentait? Et qu'il était intoxiqué? Oui, oui. Ça, je n'en sais rien. L'important, c'est que Powell a concouru, volontairement ou pas, à lancer son pays dans une guerre dont on constate toujours les effets néfastes. Il n'empêche que Saddam Hussein a été destitué. Il fallait absolument chasser du pouvoir ce criminel de guerre. Cependant, on pouvait peut-être faire l'économie d'un conflit qui a déjà provoqué la mort de milliers de personnes, dont un bon nombre de civils. Et puis ça continue tous les jours. Ouais. Mais bref, revenons au début de cette tragique affaire. Notons d'abord que Saddam Hussein, qui était incontestablement en possession d'ADN, ne les a pas utilisés lors de la première guerre du Golfe, alors qu'il n'avait pas hésité à s'en servir contre les Kurdes et les Iraniens. Il y a quand même eu quelques missiles Scud tirés contre Israël. Oui, mais enfin, ils étaient dépourvus de têtes chimiques ou biologiques. Ouais, ça veut dire que Saddam Hussein n'a pas osé. C'est certain, parce qu'il se serait exposé à de terribles représailles israéliennes ou états-uniennes. Après la guerre, il réussit à s'en sortir et se retourne contre sa population chiite et kurde, que les alliés laissent massacrer sans lever le petit doigt. Ouais, je me souviens. Mais enfin, il y aura tout de même la création, un peu plus tard, de zones d'exclusion aérienne. Non, un peu tard, oui. Ouais. En tout cas, surtout aux États-Unis, ils sont nombreux à reprocher à Bush, senior, de ne pas avoir fini le boulot. Ouais. C'est-à-dire de ne pas avoir profité de la guerre pour marcher sur Bagdad et destituer Saddam Hussein. C'est exact. Et dans les milieux républicains les plus conservateurs, ça va devenir une obsession. Chez les républicains, mais aussi chez certains démocrates. Il ne faut pas oublier que sous les deux présidences Clinton, les États-Unis vont soutenir ou initier des actions visant à renverser Saddam Hussein. Oui, mais sans succès. Hein. Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut bien dire que le dictateur irakien est très protégé et qu'il dispose d'une police secrète omniprésente et impitoyable. Deuxièmement, l'opposition est pratiquement inexistante à l'intérieur du pays. Quant aux exilés, ils sont divisés et rarement fiables. Enfin, les services de renseignement états-uniens sont très mal informés. Le résultat, c'est que plusieurs tentatives de coup d'État échoueront pitoyablement et que leurs auteurs subiront une répression féroce. Mais tout ça va changer, hein, avec l'élection de Bush Junior, parce que ben, le fils va vouloir rectifier les erreurs du père. Moi, vous simplifiez à l'excès. Il y a un peu de cela. Quoi qu'il en soit, avant même l'accession de Bush à la Maison-Blanche, les Républicains avaient montré le bout du nez. En 1998, plusieurs personnalités, et parmi eux trois anciens secrétaires à la Défense, dont Rumsfeld, envoient une lettre ouverte à Clinton, dans laquelle ils affirment que Saddam Hussein représente une menace directe à cause de ses stocks d'armes biologiques et chimiques. Ouais, et que propose-t-il alors ? Oh, les vieilles recettes, c'est-à-dire fomenter un soulèvement populaire contre Saddam. Bah, alors que ça a déjà échoué. Oui. Bon. Enfin, toutes ces éminentes personnalités subissent l'influence d'un personnage dont nous avons déjà parlé, Ahmed Chalabi, chef d'un parti d'opposants exilés, le CNI, Congrès National Irakien. Oui, un personnage, comment dirais-je, plutôt douteux. Oui, qui n'a de cesse d'intoxiquer les Américains en leur affirmant qu'un rien suffirait à ébranler le pouvoir de Saddam Hussein. Saddam, qui ne disposerait, selon lui, d'aucun soutien populaire. Bon, en fait, ce que Chalabi veut, hein, c'est revenir en Irak dans les fourgons de l'armée états-unienne. Et aussi, bien sûr, rafler le maximum de subsides de la part des autorités états-uniennes. Chalabi a ainsi reçu des dizaines de millions de dollars. Et sans grand résultat. Exact. Enfin, je vais vite, hein. Au cours de la campagne présidentielle de 2000, il faut observer que les deux candidats, George Bush et Al Gore, promettent de tout mettre en œuvre pour chasser Saddam Hussein. Mais c'est Bush qui semble plus déterminé. Il annonce que s'il est élu, il éjectera le dictateur irakien. Éjectera. Oui, mais en tout cas, il finira par tenir parole. Oui. On en a un premier signe lors de la composition de son équipe. Tous, à l'exception de Powell et sans doute aussi de Condoleezza Rice, pour eux, qui l'Irak n'est pas encore une priorité, sont partisans d'agir contre Saddam Hussein. Mmh. Donald Rumsfeld. Et Paul Wolfowitz, Douglas Feist, c'est-à-dire les trois principaux responsables de la défense. Il y a aussi, bien sûr, le vice-président Dick Cheney. Autour d'eux, on trouve quelques néo-conservateurs, comme on les appelle. Des consultants membres de think tank conservateurs. Un noyau relativement restreint, mais qui va gagner progressivement en influence. En fait, et c'est cela qui est le plus étonnant, c'est un tout petit groupe d'hommes qui va décider de l'avenir de la plus grande démocratie occidentale. Oui, mais en réalité, quand même, c'est le drame du 11 septembre qui va constituer un formidable accélérateur. Évidemment. Tous ces néo-conservateurs sont aussi partisans de frappes préventives contre le terrorisme et les pays qui l'encouragent. Une doctrine qu'ils vont mettre en œuvre presque immédiatement en Afghanistan. Hein. Et qu'ils brûlent d'étendre à l'Irak. Le ton est donné dès la fin 2001, à peine 3 mois après le 11 septembre. On voit apparaître dans la presse états-unienne une masse d'articles appelant à étendre la guerre à l'Irak. Mais des articles inspirés ou signés par ces néo-conservateurs ? Bien entendu. Ouais. Une sorte d'action de lobbying, non ? Oui, ou plutôt une mise en condition de l'opinion. En même temps, officieusement, mais avec la collaboration de certains hauts gradés américains, les partisans de Chalabi élaborent des plans d'invasion de l'Irak. Mais toujours avec l'aide de ces néo-conservateurs. Bien évidemment. Mmh. Ces faucons couvent littéralement Chalabi. Mais c'est leur champion. Exactement. Là. Ce qui ne laisse pas de provoquer des heurts de plus en plus fréquents entre les stratèges du Pentagone et le département d'État. C'est-à-dire entre les militaires et les diplomates. Oui, en gros, c'est ça, oui. Même si la ligne de partage n'est pas aussi tranchée. Mais il est certain que dans l'administration de Powell... Donc au département d'État. Oui, ouais. On observe que de plus en plus les fous furieux de la droite dure, comme disent certains fonctionnaires, sont en train de prendre littéralement le pouvoir à Washington. Mmh. Et Bush lui-même, alors, qu'en pense-t-il ? Oh, Bush, bah, il n'a guère besoin d'être convaincu. Mais parce qu'il penche naturellement ce côté-là. Et parce qu'il aspire à être un chef de guerre, hein, ouais. Un président de guerre, comme il dira encore assez récemment. C'est psychanalytique, ça. Ouais, bah, enfin, méfiez-vous, parce que la psychanalyse a mauvaise presse en ce moment. Non. Plus sérieusement, Bush a compris que ses compatriotes, traumatisés par le drame des Twin Towers, ont besoin d'être vengés. Et les talibans, c'était un gibier trop maigre. L'Irak de Saddam Hussein, c'est quand même autre chose. Alors, si en plus on persuade les Américains que Saddam Hussein a joué un rôle dans le drame du 11 septembre, la partie est pratiquement gagnée. Et je peux vous le dire, Bush a pris sa décision très tôt, dès le mois de mars 2002. Sa décision d'entrer en guerre. Mais, donc, un an avant le déclenchement effectif de la guerre. C'est bien la preuve que tout ce qui a suivi à l'ONU en particulier n'était que pure comédie, puisque la Maison-Blanche avait déjà décidé d'entrer en guerre. Mais c'est assez surprenant, sinon comique. Cette résolution a eu pour effet de diminuer les efforts dans la lutte antiterroriste et en particulier la recherche de Ben Laden. Pourquoi ? Parce que désormais, la priorité, c'était l'Irak. Les budgets de la lutte antiterroriste ont donc été restreints. Et certains des agents chargés de lutter contre Al-Qaïda ont été déplacés. Mais bien sûr, à la Maison-Blanche, personne ne s'en est vanté. 6 mois après le 11 septembre, on ne pouvait pas faire un tel aveu. Dans un numéro de juillet 2003 du Monde diplomatique, Ignacio Ramonet rappelle opportunément un autre mensonge d'État commis par Washington. Je le cite. En 1960, en pleine guerre froide, la CIA diffusa auprès de quelques journalistes des documents confidentiels démontrant que les Soviétiques étaient en passe de remporter la course aux armements. Immédiatement, les grands médias commencèrent à faire pression sur les candidats à la présidence et à réclamer à corps et à cri une substantielle augmentation des crédits de la défense. Harcelé, John Kennedy promit de consacrer des milliards de dollars à la relance du programme de construction de missiles balistiques de croisière, ce que souhaitait non seulement la CIA, mais tout le complexe militaro-industriel. Une fois élu et le programme voté, Kennedy devait découvrir que la supériorité militaire des États-Unis sur l'Union soviétique était écrasante. Puisque la Maison-Blanche a décidé d'employer la manière forte pour se débarrasser de Saddam Hussein, il faut monter un dossier pour justifier cette agression auprès de l'opinion états-unienne, mais aussi internationale. Alors, voyons ça de plus près, car l'affaire était loin d'être acquise, et d'abord aux États-Unis même. Et ces oppositions-là aux États-Unis, venaient d'où alors ? D'abord, je vous l'ai dit, au département d'État, c'est-à-dire l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères. On était plutôt favorable à une solution pacifique. Le renforcement des sanctions contre l'Irak, par exemple. Et puis, cela pensait aussi que les inspections des experts de l'ONU en Irak avaient été efficaces. Scott Ritter, un ancien marine qui avait dirigé ces inspections dans les années 90, estimait que Saddam Hussein ne possédait plus de stock important d'ADN. En tout cas, plus de stock menaçant. Et on ne pouvait pas soupçonner ce Ritter d'être un suppôt de Saddam Hussein. Bien sûr que non. D'autant plus que Ritter était un républicain convaincu et qu'il avait voté pour Bush en 2000. Ritter savait que des quantités considérables d'ADN, tant chimiques que biologiques, avaient été détruites par les experts de l'ONU. En outre, la CIA était bien placée pour savoir que Ritter avait raison. Parce que l'agence américaine avait truffé d'espions cette commission d'experts. Ce qui provoquera d'ailleurs de vives protestations, à juste titre, des Irakiens. Pas seulement des Irakiens, parce que on s'est assez rapidement aperçu que cette commission, l'UNSCOM, travaillait en priorité pour Washington et les agences états-uniennes de renseignement. Sans doute, oui, vous avez raison. Mais Saddam Hussein, là, n'a-t-il pas commis une formidable erreur en interdisant ces expertises, ces inspections en 1998 ? Parce que les experts voulaient aussi inspecter ces palais. Certes, ça permettait d'alimenter les soupçons. Que cherchait-il à dissimuler ? Mais Saddam Hussein fera machine arrière et autorisera les inspecteurs à entrer dans ces palais avant de demander, c'est vrai, le départ des experts fin 98. Toutefois, en 2002, il autorisera le retour des inspecteurs de l'ONU. Oui, mais ça, c'est sans doute à cause de la menace de plus en plus évidente de Washington. Forcément. Ouais. Mais pendant ces 3 ou 4 ans hein, où les experts de l'UNSCOM ne se sont pas rendus en Irak, n'était-il pas possible à Saddam Hussein de reconstituer des stocks d'armes de destruction massive ? À condition de posséder des installations capables de produire ces armes. Des installations et des produits chimiques. Or, l'Irak était soumis à un embargo sévère qui ne lui permettait pas d'importer ces matériels. Mais il pouvait rester des stocks dissimulés, enfouis, par exemple. Oui, vous avez raison. Le soupçon demeurait. Car il existait des différences entre le nombre d'armes que les Irakiens affirmaient avoir produites et celui que les inspecteurs de l'ONU avaient découvertes. Et disons-le tout de suite, en alimentant malgré lui ce soupçon, Saddam Hussein est tombé dans un piège dont il était au premier chef le responsable. Enfin, n'allons pas trop vite. Je vous donnerai les clés de cette affaire. Auparavant, voyons comment les États-Unis vont construire leur dossier d'accusation. Avez-vous déjà entendu parler du bureau des plans spéciaux? Ah non, j'avoue que non. Hein. Bon, ce bureau, en anglais, l'Office of Special Plans, acronyme OSP, a été créé au lendemain du 11 septembre. Cet organisme, excessivement discret, était chargé d'informer directement le président. Eh bien, vite, il va court-circuiter la CIA, mais aussi la DIA, c'est-à-dire le service de renseignement du Pentagone. Le renseignement militaire, donc, même. Oui, cette cellule va cultiver la politique du secret. À tel point qu'entre eux, ses membres ne la nommeront que comme la cabale. La cabale. Mais pourquoi court-circuiter ces agences de renseignement? Parce que les durs de la Maison-Blanche ne leur faisaient pas confiance. En fait, ces agences étaient surtout coupables de ne pas fournir les renseignements qu'on attendait d'elles. Putain, soyez plus précis. Ce que voulaient obtenir les néo-conservateurs qui cornaquaient l'OPS, c'était des preuves de l'existence des armes de destruction massive en Irak et aussi des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Or, comme la CIA était dans l'impossibilité d'apporter ces preuves, c'est qu'elle était forcément incapable. Parce que, bon, ces néo-conservateurs, eux, étaient persuadés que Saddam Hussein détenait toujours des ADM. Absolument. Ça ne se discutait même pas. C'était un credo. Et tous ceux qui n'étaient pas convaincus étaient des traîtres. Ah ouais. Mais attendez, c'était la méthode Coué, ou bien ces faucons se livraient-ils sciemment à une manœuvre d'intoxication? Bon, il y avait certainement quelques fanatiques qui étaient persuadés que Saddam Hussein était une nouvelle incarnation de Satan, mais les autres, je pense à des hommes comme Rumsfeld et Wolfowitz, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et comme les preuves n'arrivaient pas, eh bien, ils allaient les fabriquer, c'est aussi simple que ça. D'accord, mais comment... L'OSP va essentiellement se servir des renseignements fournis par les exilés et transfuges irakiens. De vrais renseignements? Ah bah ça, c'est autre chose. Surtout quand on sait que la plupart de ces informations, ou pseudo-informations, vont être délivrées par des proches du CNI, d'Ahmed Chalabi. Enfin, l'essentiel n'est pas là, ces tuyaux vont permettre à l'OSP de composer un dossier relativement consistant, même si les vrais professionnels du renseignement vont le juger très contestable, et même complètement mensonger. Parce que ces exilés irakiens ne poursuivent qu'un objectif, faire en sorte que les États-Unis interviennent militairement dans leur pays. Alors, vous pouvez peut-être me donner quelques exemples de ces manipulations. On a le choix. Ils sont nombreux. Une observation, d'abord. Les faucons déclareront à plusieurs reprises que les renseignements fournis par les défecteurs irakiens étaient beaucoup plus fiables que les inspections au désarmement de l'ONU. Alors les exemples, me demandiez-vous, prenons le cas du docteur Khidir Hamza. Qui est celui-là? Un ingénieur nucléaire qui a déserté l'Irak au milieu des années 90 et qui est venu s'installer aux États-Unis avec l'aide du CNI. Vous pensez bien que les services états-uniens, mais aussi les experts de l'ONU, se sont aussitôt intéressés à lui. Et c'est d'ailleurs avec un ancien inspecteur de l'ONU qu'il a publié un livre sur l'Irak et la bombe atomique. Et que racontait-il dans cet ouvrage? Hamza recensait toutes les raisons qui expliquaient pourquoi son pays n'avait pu se doter de l'arme nucléaire. Mais cet ouvrage a intéressé très peu de monde. Pourquoi? Pas assez sexy, si vous me passez cette expression. Trop d'expression. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de révélations fracassantes. C'est ce que je voulais dire. Aussi, Hamza décida-t-il de publier un second livre. Plus sexy. Mais aussi plus imaginatif. Ainsi a-t-il expliqué que l'Irak avait été tout près de produire sa première bombe. Et là, immédiatement, les faucons états-uniens se sont précipités sur lui. Et l'un d'eux, un type très influent, Richard Perl, a utilisé le texte de l'ingénieur pour affirmer que Saddam Hussein avait dispersé ses installations nucléaires et qu'il n'avait pas renoncé à fabriquer une bombe. Et il en a profité pour réclamer une intervention préventive. Mmh. Et c'était quand, ça? Tout de suite après le 11 septembre. Donc, si je vous comprends bien, là, pour les faucons et pour l'OSP, c'est ça? Ce type, là, Hamza, était crédible. Très crédible. Mmh. Il avait même le soutien d'un ancien patron de la CIA. Et pourtant, d'après vous, il était bidon. Oui. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé lors de son retour en Irak après la guerre. D'abord chargé par les autorités provisoires des affaires nucléaires, il a été rapidement remercié pour incompétence. Et pourtant, c'est cet homme-là qui a permis aux faucons d'affirmer que Saddam Hussein essayait toujours de construire une bombe. Alors, tu sais, il n'y a pas que lui, il y avait aussi ces, comment dire, cette histoire de tubes en aluminium. Oui, c'est juste, des tubes interceptés avant qu'ils ne soient envoyés en Irak. Oui, c'est ça. Aussitôt, on a prétendu que ce matériel était destiné à équiper des centrifugeuses. Oui, ces appareils qui permettent d'enrichir l'uranium. Hein. Oui, en fait, un expert incontestable, puisqu'il s'agit du directeur de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Enfin, notez, pardonnez-moi de vous interrompre, là, que Mohamed El Baradei, son principal dirigeant, vient d'obtenir le prix Nobel. Effectivement, alors, quand il déclare qu'en aucun cas ces tubes ne peuvent être utilisés dans des centrifugeuses. Ça compte. Ouais. Bah, évidemment. Bon, enfin, ça n'empêchera pas Colin Powell d'en faire état dans son malheureux discours à l'ONU. Tout comme il affirmera, à partir d'un dossier truqué, que Saddam Hussein a essayé d'acheter de l'uranium en Afrique. Oui, au Niger, c'est ça. Hein. Tout à fait. Mm. Mais c'est une affaire si étrange et si tortueuse que je me propose d'y consacrer un prochain entretien, si vous voulez bien. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, tout cela faisait partie d'une gigantesque manœuvre d'intoxication. Si gigantesque que personne aux États-Unis ne pouvait plus s'y opposer sérieusement. Seymour Hersh, un des grands journalistes du New Yorker, a publié un remarquable ouvrage sur ce qu'il appelle « Les dommages collatéraux », livre publié en France chez Donoël. C'est lui qui a révélé en particulier l'existence de ce très secret OSP. Et voici ce qu'il écrit à propos des hommes qui le composaient et de leur chef Abraham Chouski. Les membres de son groupe se confortent mutuellement parce qu'ils n'ont aucun ami en dehors de leur petit cercle et ils travaillent tous ensemble. Cela dure depuis les années 80, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de se serrer les coudes comme maintenant. Le 11 septembre leur a fourni une opportunité unique, et aujourd'hui ils boivent du petit lait, ils sont persuadés que les renseignements existent, ils veulent y croire, ils existent, c'est obligé. Tout au long de l'année qui précéda la guerre, l'Office of Special Plans ne cessa d'accroître son influence au détriment de la CIA et de la DIA. Ses chefs considèrent que ceux qui ne sont pas à 100% avec eux, sont à 100% contre eux. C'est un univers très manichéen. Un ancien expert de la CIA qui a passé les 10 dernières années plongé dans des dossiers concernant les exilés irakiens m'a confié, en parlant de l'équipe de l'Office, ils se considèrent comme des marginaux. Ils vivent dans un climat de paranoïa constante et ils sont convaincus d'être du côté des bons, alors que tous les autres types du gouvernement sont à leurs yeux des imbéciles. Le résultat, c'est que petit à petit, les grandes agences de renseignement ont été mises hors jeu et que le découragement les a peu à peu gagnés, car l'OSP, grâce aux prétendues révélations fournies par les transfuges irakiens, ne cessait d'enrichir son dossier. L'exemple le plus extraordinaire, c'est celui des fameux laboratoires bactériologiques mobiles. Ah oui, les camions. Oui, oui, sur la foi d'informations recueillies auprès d'exilés irakiens et accrédités par des photos satellites, l'OSP relayé par le Pentagone et la Maison-Blanche affirme que pour échapper aux inspections de l'ONU, Saddam Hussein a monté des laboratoires sur les camions. Oui, je me souviens, en effet. Oui. Eh bien, après la guerre, quand des experts ont pu examiner ces deux camions qui avaient été regroupés sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad, ben, il s'est avéré qu'il s'agissait d'équipements destinés à fabriquer de l'hydrogène pour des ballons sondes météo. Ah, oui, effectivement. Enfin, ça signifie que plus les mensonges étaient gros et plus ils avaient de chances de passer. Hein. C'est exact. Mmh. Autre exemple spectaculaire. Le rapport publié par le gouvernement britannique en septembre 2002. La Grande-Bretagne, il faut le rappeler, meilleur allié des États-Unis. Et à Washington, on a dû penser que c'était au tour de Tony Blair de se mouiller. Et c'est pourquoi, devant les communes, le Premier ministre britannique reprend à son compte les allégations de la Maison-Blanche sur les ADM irakiennes. Et aussi d'ailleurs sur les liens supposés entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Et pour appuyer son propos, Blair fait état d'un rapport accablant. Malheureusement, vous vous en souvenez sans doute, ce réquisitoire reprend des informations extraites du mémoire d'un étudiant rédigé 12 ans plus tôt. 12 ans, complètement obsolète, quoi. Bien sûr. Et assez rapidement, la vérité apparaîtra. Pourtant, toujours lors de son discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Colin Powell reprendra quelques-unes des informations contenues dans ce dossier bidonné par les services secrets britanniques. Alors, je voudrais qu'on revienne, moi, à ce que vous disiez tout à l'heure, là, le découragement des agences de renseignement états-uniennes. Ben, comment pourrait-il en être autrement? Les renseignements que fournissait la CIA au gouvernement n'étaient pas pris en compte. Mais parce qu'ils ne collaient pas avec les vues des gens de l'OSP. Ben, c'est évident. Ouais. Et les conséquences, ont été graves. Car non seulement certains agents ont démissionné ou restreint leurs activités, mais d'autres, au plus haut niveau de l'agence, ont joué la surenchère. C'est-à-dire ? Eh bien, puisque la Maison-Blanche voulait des informations incriminant Saddam Hussein, ben, ils en ont rajouté. Ah oui, pour faire plaisir à Bush, si je vous ai bien compris. Et c'est ainsi qu'après la guerre, quand il a été prouvé que Saddam Hussein ne possédait plus d'ADN, la Maison-Blanche, pour se dédouaner, s'est débrouillée pour rejeter la responsabilité de la désinformation sur la CIA. Ah bah, il fallait bien un bouc émissaire, hein. C'est, naturellement. Et le fait qu'on n'ait pas trouvé d'ADN en Irak n'a nullement troublé Bush. Au contraire, il a déclaré qu'il s'était appuyé sur les meilleures informations avant d'agir. Et ça ne l'a pas empêché d'être réélu malgré ses mensonges flagrants, hein. En outre, l'OSP et son équipe n'ont jamais été formellement accusés, non. À Washington, on a fait comme si cet organisme secret, responsable de l'une des plus formidables opérations d'agitprop jamais organisées, n'avait pas existé. Ouais. Puis, il faut bien constater que les néoconservateurs sont toujours en place. Et hein. L'un des plus extrémistes, John Bolton, est même devenu ambassadeur états-unien à l'ONU. Mais il est intéressant de voir plus précisément comment Bush et l'administration ont peu à peu fait marche arrière, sans jamais se désavouer. Fin mai 2003. Alors que des centaines d'experts militaires états-uniens cherchent en vain les ADN. Rumsfeld, qui 2 mois plus tôt affirmait savoir où se trouvaient ses armes, émet l'hypothèse que Saddam Hussein a peut-être détruit ses stocks avant le début du conflit. Une première reculade. Oui, mais 2 mois plus tard, Bush peut encore déclarer « Je suis convaincu que Saddam Hussein avait un programme d'ADN ». Toutefois, nouveau pas en arrière, le vice-président Cheney affirme seulement que Saddam Hussein avait la technique et la capacité de produire des ADN. Mais bon, on ne parle plus de stock. Hein. Enfin, dernière déclaration. Au début 2004, Colin Powell avoue que l'absence de stock d'ADN remet en cause le calcul politique qui avait présidé au déclenchement du conflit. Seul pavé dans la mare, en mai ou juin 2003, Paul Wolfowitz, l'adjoint de Rumsfeld, mange assez cyniquement le morceau quand il avoue « Nous avons choisi la question des ADN parce que c'était la seule raison sur laquelle tout le monde pouvait tomber d'accord. » Oui, d'accord pour intervenir militairement en Irak. Alors, revenons quand même à la question essentielle. Hein. Puisqu'on sait que Saddam Hussein a possédé un jour des ADN chimiques et biologiques. Des stocks énormes. Alors, que sont-elles devenues ? Vous avez parlé d'un piège. Oui, oui, mais un piège que Saddam Hussein s'est tendu à lui-même, si j'ose dire. Il faut expliquer, là. Un premier élément de réponse arrive en Occident au milieu des années 90. 2 gendres de Saddam Hussein, les frères Kamel, font défection et se réfugient en Jordanie. L'un d'eux est le responsable des programmes de développement des ADN. Et il n'est pas venu tout seul, si je puis dire. Il est sorti d'Irak avec une masse de documents. Mais sur ces programmes-là ? Bien entendu. Des agents états-uniens et également des inspecteurs de l'ONU se déplacent pour interroger les 2 transfuges et examiner leurs documents. Mais les uns et les autres ne vont pas en tirer les mêmes conclusions. Pour Washington, qui reviendra sur cette affaire après l'élection de Bush Jr., le fait que les documents de Hussein Kamel aient échappé aux recherches des inspecteurs de l'ONU est une nouvelle démonstration de l'inefficacité de ces derniers. En outre, il y a dans ces papiers la preuve que Saddam Hussein a produit plus de 30 tonnes de bacilles de charbon. Oui, et de l'autre côté, vous m'avez dit, il y a une interprétation différente. Oui, parce que les frères Kamel font une curieuse déclaration. Ils affirment que leur beau-père a donné l'ordre de détruire le maximum d'armes chimiques et biologiques. Alors, demandent les inspecteurs onusiens, pourquoi n'avons-nous pas trouvé des traces de ces destructions ? Parce que, répondent les 2 frères, elles ont eu lieu avant votre arrivée, c'est-à-dire avant même la première guerre du Golfe. Donc avant 1991, mais les Kamel, les frères Kamel n'apportent pas de preuves. C'est vrai, vous savez ce qu'ils sont devenus. Saddam Hussein leur a promis sa clémence et les 2 frères ont commis l'erreur de le croire. Ouais, dès qu'ils sont entrés en Irak, ils ont été assassinés en dépit du fait qu'ils étaient les époux de 2 filles du Reich, hein. Oui, oui. L'autre témoignage essentiel pour bien comprendre toute cette affaire des ADN a été recueilli par des agents de la CIA et des services secrets britanniques. Quel témoignage, alors ? Ben, celui d'un physicien irakien qui a fui son pays aussitôt après la chute de Bagdad pour rejoindre les Émirats Arabes Unis. Cet homme, Jafar, avait dirigé le programme nucléaire irakien dans les années 80. Et son frère était le directeur d'une grosse compagnie d'énergie. Donc tous deux devaient savoir beaucoup de choses. Hein. Et Jafar a fait des déclarations surprenantes, je résume. Confirmant, en partie, ce qu'avaient déjà dit les frères Kamel. Il a révélé aussi qu'au lendemain de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein avait ordonné aux chefs militaires de ne rien caché aux inspecteurs de l'ONU. Oui, la transparence. Pourtant, il y a quand même eu quelques accrochages. Enfin, c'était inévitable. Question d'orgueil. Et même des refus. On en a parlé, oui. Mais enfin, Saddam Hussein a très mal supporté les inspections dans ses palais. Mais je poursuis, car je ne vous ai pas encore dit le plus intéressant. Deux questions demeuraient. D'abord, pourquoi Saddam Hussein s'était-il montré si conciliant et d'autre part, pourquoi, d'après les décomptes effectués par les experts de l'ONU, il manquait à l'appel des milliers d'ogives chimiques? Réponse alors? Bon, en ce qui concerne le premier point, d'après Jaffar, Saddam Hussein a compris que l'entrée en lice des États-Unis changeait tout. Contre l'Iran ou ses compatriotes, il pouvait utiliser des ADM. Mais pas contre les Américains. Quoi, à cause des représailles? Bah, bien entendu. Donc ces ADM devenait plus encombrante qu'efficace. Oui, c'est possible, ça. Et le deuxième point, alors? Les ADN qui manquaient. C'est très simple. Contre l'Iran, Saddam Hussein avait utilisé beaucoup plus d'armes chimiques qu'il n'avait bien voulu le dire. Et cela, il ne voulait pas l'avouer. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est tombé dans un piège qu'il s'était lui-même tendu. Il était enfermé dans ses propres mensonges. Je vous retrouve donc samedi prochain pour un entretien encore consacré à l'Irak et en particulier à cette manipulation au sujet de l'uranium nigérien. Une manipulation qui dissimule bien des secrets. Et M. X m'a promis de me parler aussi de l'affaire très mystérieuse du savant britannique, le docteur Kelly. Car la thèse officielle du suicide ne convainc pas tout le monde en Grande-Bretagne. Enfin, je me permets de vous recommander trois livres. Celui de Seymour Hersh, déjà cité, un ouvrage de Jean Guinel, Bush contre Saddam, et celui de notre confrère de RFI, Richard Labévière, Les coulisses de la terreur.